Salut à tous, content de vous retrouver sur la radio Gamozo pour questions délirantes et drôles d'expression. On continue notre décryptage sur les questions un peu délirantes qu'on s'oppose dans la vie quotidienne et les expressions qu'on utilise. Démarrons par une expression, se faire de la bile, s'inquiéter. Toutes les personnes en bonne santé font de la bile en permanence. J'avoue, j'en fais partie. La bile est une sécrétion du foie qui purifie le sang de façon continue comme font les reins. Mais si les reins éliminent les déchets sous forme d'urine, le foie les élimine sous forme de bile, collée en grec d'où colère et choléra. Les anciens donnaient injustement le nom bile à différents liquides présents à l'intérieur du corps. Je cite « Comment c'est pour ça qu'il a pu se faire tant de bile, tant de chagrin ?» Marcel Proust, tiré du livre « À la recherche du temps perdu » chez Gallimard 1999. Il se distingue ainsi la bile jaune et la bile noire et leur attribuait des rôles dans le contrôle de nos émotions. Seule la bile jaune, celle sécrétée par le foie, existe vraiment. Mais ce n'est pas elle que les anciens rendaient responsable de l'humeur angoissée. Il n'est pas nécessaire de comprendre la théorie des humeurs et les rôles hypothétiques de la bile noire, de l'anxiété, pour comprendre l'expression de se faire la bile. L'inquiétude, en effet, lorsqu'elle est grande, peut donner de la nausée et parfois des vomissements. N'étant pas dû à un véritable problème de digestion, ces vomissements ne contiennent pas d'aliments mais de la bile. Il se distingue également par le goût en cas de rejet de la bile. Se faire de la bile relève bien ces situations où le sens propre rejoint le sens figuré. Ces vomissements nommés psychogènes peuvent être très gênants. C'est le cas entre autres des jeunes enfants victimes de phobie scolaire, mais aussi de toutes les personnes exposées au trac avant d'affronter le public ou subir une épreuve. Heureusement que son expression synonyme « se faire du mauvais sang » n'est quant à elle pas à prendre au sens propre. Lorsqu'on se tourmente dans l'incertitude et dans l'attente, on se fait même du sang d'encre, voire du sang de vinaigre. Il y a quoi de se sentir un peu patraque. Voilà, passons à une question qu'on se pose dans la tête et qu'on meurt envie de savoir. Pourquoi le C de seconde se prononce-t-il comme un G? Bonne question. Bah ouais, c'est bizarre. Vous êtes sans doute, en m'écoutant, en train de vous poser cette question. Là, normalement, vous êtes en train de prononcer à voix haute le terme seconde pour vérifier. Mais je ne juge pas, hein. Et ouais, ce n'est pas logique, on est d'accord. Pourquoi un C au lieu d'un G? En fait, dans ce cas de figure, la langue française nous offre un sublime paradoxe entre prononciation d'orthographe et origine. Commençons avec l'évolution du mot seconde. Seconde ou seconde est apparu au XIIIe siècle, vient du latin secundus, qui veut dire qui suit, d'où le verbe seconder, qui signifie assister, aider, épauler. Pour ses origines latines, il y a donc un C. Parlons d'orthographe maintenant. À la fin du XVe siècle, on voit arriver une variante du second écrite « seconde » avec un « g ». Tiens, cette variante est restée en place jusqu'au XVIIe siècle et la prononciation « g ». C'est généralisé, je pourrais rester là. Mais il est trop simple, malheureusement. La langue française n'est pas si facile. Vous savez qu'une lettre peut avoir plusieurs sons différents? Par exemple, pour le mot « cadre », on entend un « k », alors que « cible » fait siffler un « s ». C'est là que mon paradoxe intervient. Il a été décidé que le mot « seconde » garderait un « c » pour se rapprocher au maximum de ses racines latines. Mais la prononciation n'a pas suivi. Il faut dire qu'à l'oral, il est plus facile de dire « seconde » avec un « g » que « seconde » avec un « k », même s'il s'écrit avec un « c ». Essayez, vous verrez que ça pourrait créer quelques malentendus. Je vous rajoute un petit bonus pour terminer. Combien de litres de peinture sont-ils nécessaires pour repeindre la tour Eiffel? Le monument est censé être peint tous les 7 ans. Et il faut environ 60 tonnes de peinture pour y parvenir. Hein. Pas mal, hein? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Rendez-vous la semaine prochaine sur la radio Gamozo pour continuer à apprendre des choses. Bye bye!